mais pas au resto. Ma chérie, j'ai un bon cuistot. J'en ai marre, lâche pas du quartier, trop de ondi. À ce qui paraît, la sortie, ça sera en condi. Y'a tous les gens qui me veulent du mal ou je deviens parano. Qu'illuminé plus petit, moi je viens de la pyramide. J'suis nerveux, toujours la grinta comme Gattuso. J'ai pas changé gros, l'époque c'était bien avec Hamid. Rassemblé, ça se tue, crâne avec la Belgique. Promenade en calme, moi je sais ce qu'est-ce qu'il y a. Y'en a marre, c'est trop la zone, y'a toute la tête grillée. Le soleil qui tape ici, pas les ratus pillent. Enfermé, ça se tue, crâne avec la Belgique. Promenade en calme, moi je sais ce qu'est-ce qu'il y a. Y'en a marre, c'est trop la zone, y'a toute la tête grillée. Le soleil qui tape ici, pas les ratus pillent. C'est déjà lui qui parle la main. C'est tes potes qui te causent du tort. Laisse pas ta tête, nous on est fort. C'est sans effort et on est fort. C'est déjà lui qui parle la main. C'est tes potes qui te causent du tort. Casse pas ta tête, nous on est fort. C'est sans effort et on est fort. Survêt à l'ancienne, c'est ça le quartier. Hashman, je suis trop timide, non j'aime pas me montrer. Derrière la caméra, c'est toujours la même scène. À la ZUB, c'est tout nous, c'est ça les Lyonnais. Pas de scénario qu'une señorita. En showcase, c'est le feu, est-ce que vous validez? J'arriverai d'éclater cerveau sous critical. Les manguettes 6-9-2, c'est que la qualité. Enfermé, ça se tue le crâne avec la Belgique. Promenade en calme, sous moi, je sais ce qu'est-ce qu'il y a. Y'en a marre, c'est trop la zone, y'a toute la tête grillée. Le soleil qui tape ici, bah les ratus pillent. Enfermé, ça se tue le crâne avec la Belgique. Promenade en calme, sous moi, je sais ce qu'est-ce qu'il y a. Y'en a marre, c'est trop la zone, y'a toute la tête grillée. Le soleil qui tape ici, bah les ratus pillent. C'est déjà lui qui parle la main. C'était pas qui te cause du tort. Casse pas ta tête, nous on est fort. C'est sans effort et on est fort. C'est déjà lui qui parle la main. C'était pas qui te cause du tort. Casse pas ta tête, nous on est fort. C'est sans effort et on est fort. C'est déjà lui qui parle la main. C'était pas qui te cause du tort. Casse pas ta tête, nous on est fort. C'est déjà lui qui parle la main. C'était pas qui te cause du tort. Casse pas ta tête, nous on est fort. C'est sans effort et on est fort. C'est déjà lui qui parle la main. C'était pas qui te cause du tort. Casse pas ta tête, nous on est fort. C'est sans effort et on est fort.